Hey, salut les amis! Ça va ou quoi? Du haut de ma jambe de bois, mon beau soleil se boit. J'ai le visage enflé, ne cesse de prendre du poids. Les gamins, je vous hais, toujours en train de s'amuser à casser mon dentier. J'en veux au monde entier, mange un chip, un mentier, mange un chip, segmenté par journal télévisé. Et quand je pisse, j'ai du mal à viser. Mais fais toujours gaffe que mon béret est bien vissé. En boîte, pépé n'a pas de mal d'entrée. Si ça doit cogner, pépé enlève son dentier. Même que parfois, il est armé. Parfois, pépé, la nuit, termine en GAV. Parfois, écœuré par son corps flasque, il va mourir comme ses orgasmes. En attendant, il rétrécit, décrépit, rien ne s'éclaircit. Défraîchit en dépit de sa sagesse et de l'usure des portraits auxquels il s'adresse. Viens dans mon jardin, car pas de jasmin, mais des allées de sapin. Des sapins, mon ami, mais c'est sa tombe. Et peut-être même si ça tombe, j'irai creuser sa tombe avant que tous mes cheveux tombent. Oh, mais c'est du col de canne, je tombe pas, j'ai ma canne, caleçon long, donc je caille pas. Il est stun et consomme des tonnes de connes. Pépé en a de la bonne, revenant de Kingston. De la blanche, d'outre manche et du rhum, des dames tom, puis une vodka pomme de Pologne. Fini par l'éther, Pépé fait alors un trip planétaire. Planétaire. Depuis ce troisième chignot, Pépé mange et chibio. Il s'habille chez Célio, car figure bas pour Célia. Mais depuis la canicule, il se casse la clavicule et perd ses bras. Qu'à cela ne tienne, il persévérera. Qu'à ce que les bonnes celles-là, il apercevra. Pépé s'alcoolise, mais fait une tarte parce qu'il nique la police. Pépé fait du rap, il fait swing et l'hospice. John Pélas qui roule en plaque, mais au moment peu propice. Pépé fait une attaque pendant que Pépé s'alcoolise. Mais fait une tarte parce qu'il nique la police. Pépé fait du rap, il fait swing et l'hospice. Qui rose en plaque, mais au moment pour qu'on puisse, bébé, fais une attaque. Ah, on est bien connu sur la terrasse, mon petit Louis. Ben, s'il fait la tiens, ton café au lit, ton croissant. Merci, merci, ça me fait tout chaud au cœur de te voir tout nu comme ça, mon Louis. Ben, c'est normal, y'a ton sein gauche qui trempe dans le café.